Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bon matin à tous, chers amis, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 73. Tout le monde est en forme, yeah, comme d'habitude. On est jeudi matin, le 29 avril. J'aime ça dire la date au début, maintenant je trouve que ça donne un certain... une idée, ça donne une chronologie pour ceux qui écouteront ça dans le futur sous forme de backlog, tu sais, comme c'est pratique, je trouve, des fois, de situer dans le temps, parce qu'il se passe plein d'affaires dans le temps, comme par exemple, hier, mercredi 28 avril, Limited Run ont fait une annonce sur leur page Facebook, ben, sur leur réseau, en fait, sûrement, moi, je regarde juste Facebook, anyway, je vais plus sur Twitter. Twitter, man, ça me dit rien, ça. C'est comme le média social que j'ai complètement abandonné. J'allais plus sur Wise dans le temps que sur Twitter. Si vous savez pas ce que c'est, Wise, c'était l'ancêtre du... C'est comme quand, avant qu'Instagram se mette à permettre des vidéos, dans le fond, il y avait une application qui permettait de faire des vidéos, tu sais. C'était comme un Instagram vidéo. Puis là, après ça, Instagram, ils ont décidé d'inclure des vidéos. Fait que Wise est mort. Puis là, TikTok est arrivé, puis explosion. Fait que c'est ça, c'était ça, Wise. J'avais un beau petit compte Wise, là. Il doit exister encore. Je pense que j'ai juste délité l'app de mon téléphone, mais je faisais des petites vidéos, là. On était au WEG, ça fait plusieurs années. Je filmais les saucisses, je filmais le schmop. Tu sais, je faisais des petites vidéos. C'était bien le fun. Fait que peut-être que Wise a été absorbé par Instagram, en fait. Ça se pourrait. Ou peut-être Instagram, ils ont juste laissé crever dans le coin. On verra. Donc, Limited Run a annoncé hier une image, un mur avec de briques avec un trou et puis un poulet dans le trou. Donc, il va y avoir du Castlevania d'annoncé aujourd'hui, jeudi, le 29 avril, par Limited Run. Et puis, moi, ce que je pense que ça va être, là, tout le monde dit plein d'affaires, mais il est pas mal certain que ça va être le Anniversary Collection, tu sais, parce que... Il y a plusieurs semaines, mois même, je ne me rappelle plus quand exactement, tu sais, la COVID, ça nous mélange. Limited Run avait fait un petit showcase, là, puis avait annoncé plusieurs choses à venir, dont ce que je me souviens plus, c'était Katana Zero. Donc, ça va sûrement s'en venir, ça aussi. Puis je me rappelle qu'il avait parlé de Castlevania Anniversary Collection. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre que ça, pour être franc, là, tu sais, ça... Je serais le premier content là, qui annonce de quoi de complètement fou, comme un sort Rondo, t'sais, pour que ça soit accessible à tout le monde, puis des affaires de même. Rebirth, t'sais. Mais d'après moi, ça sera pas ça. Là. Et puis, juste pour nous remettre en contexte, j'ai jamais joué, j'ai pas téléchargé. C'est disponible sur le eShop, ça. Ça s'appelle ça encore le eShop? Ouais, le eShop de Nintendo. Et puis, c'est disponible là-dessus depuis un bout. Donc, et puis, moi, j'ai pas téléchargé ça parce que j'ai déjà tous ces jeux-là. Du moins, je pense. Puis là, je suis allé voir ce matin. Puis je vais vous dire c'est quoi les jeux qu'il y a sur l'Anniversary Collection de Castlevania. Il y a Castlevania 1, au NES, tu sais. Hein? Castlevania 2, Simon's Quest. Castlevania 3, Dracula's Curse. Super Castlevania 4. Là, ça devient intéressant au sens que, tu sais, Castlevania The Adventure et Castlevania 2 Belmont's Revenge, donc les deux premiers Castlevania au Game Boy. Un petit Legend, ça aurait été le fun aussi. Hein. Il est tout le temps lui avec, oublié. Hein. C'est comme le mouton noir, là, tu sais. Donc, si vous aviez pas ça au Game Boy ou si vous voulez jouer sur le grand écran, ça c'était dans le dîner de con. Pas la petite lucarne, hein? Non. Hein? Non. Donc, si vous voulez jouer au grand écran, à ces deux excellents... Non, pas vrai. À l'Adventure, il est tough. Mais on y arrive. Mais Castlevania 2 Belmont's Revenge, je le dis encore, c'est un des meilleurs de la série. Il est absolument incroyable, ce Castlevania-là. Il est parfait, à mon avis. C'est vraiment bon. Donc, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir jouer à ça. Castlevania Bloodlines, donc Genesis, bien sûr. Kid Dracula, donc là, c'est intéressant. C'est sorti au Famicom, ouais, seulement ça. Mais moi, j'ai comme une Everdrive maintenant, que j'ai tous les jeux de Famicom dessus, fait que ça change pas grand-chose. Et puis le booklet, là... History of Castlevania, Book of the Crescent Moon, qui, je pense, est juste un... un livre là, avec des affaires là, de Castlevania dedans, donc je sais pas ce que c'est. Ça me tente pas de chercher. Vous irez voir. Fait que voilà. Donc, ben, belle compil pareil. J'aurais aimé ça qu'il inclut Haunted Castle. J'ai fait Haunted Castle il y a pas longtemps, qui est un jeu d'arcade de Castlevania. En fait, c'est genre le premier Castlevania. C'est comme le premier balbutiement un peu de la série. Chronologiquement, je pense qu'il est pas mal au début. Et puis, avant Castlevania au NES. Et puis, c'est pas le fun. c'est pas le fun, mais man, c'est impitoyable. C'est broken à bien des niveaux. C'est super difficile. On l'a dans la même chez Arcade MTL. On a essayé de jouer en buvant de la bière. On y arrivait pas, t'sais, parce que bon, il y a du bruit, il y a de la bière. Je me suis assis chez nous. J'ai téléchargé la Konami Arcade Collection, je pense que ça s'appelle. Et puis, il est dessus. Je suis surpris qu'il ne soit pas dans la Castlevania Anniversary Collection. Il devrait être dedans, tu sais, il me semble. Ça ferait du sens. Mais non. Fait que c'est ma seule façon que j'avais de jouer à ça. Je n'ai pas d'émulateur là, d'aucune sorte. Et puis, c'est un jeu d'arcade. Fait que malheureusement, Haunted Castle n'est pas sur Anniversary Collection. Mais je l'ai fini quand même. Je suis très fier de ça. Et puis... voilà, tout ça pour dire que je vais surveiller ça aujourd'hui, comme vous tous, hein, et puis je vais sortir cet épisode-là aujourd'hui d'ailleurs, donc on va aller découvrir l'annonce de Castlevania en même temps que mon épisode va sortir, puis là ça va être comme tout va se rejoindre dans les Illuminati, ça va être fourette. Mais je vais l'acheter quand même, bien sûr, parce que ça fait propre dans la collection Castlevania et dans la collection Switch, of course. Et puis, je voudrais aussi mentionner que on va bien sûr en commander un hostie de chier chez Retro MTL. Donc, on va en avoir là, des masses et des masses et des masses. Ça sera pas un problème. Puis, ce que je trouve le fun aussi avec ça, corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est la première fois que Konami permet à Limited Run de faire un projet avec leurs affaires. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Je cherche dans ma tête, là, je trouve pas. Donc, est-ce que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres partnerships Limited Run Konami? Tu sais, Limited Run, tu sais, ils vont-tu pusher Konami? « Hey, ça a bien vendu Castlevania. Maintenant, on pourrait-tu faire Rebirth Collection? » Tu sais, moi, je rêve de ça, comme vous tous, bien sûr. Tu sais, tout le monde rêve de bien des affaires de Konami, puis eux autres, en calice. Fait que là, peut-être, ça va ouvrir la porte. Fait que ça c'est intéressant. Là. On souhaite ça. Je vais prendre un peu de café. Un petit peu. Et puis, on va parler un peu santé avec Dr. Dumb. C'est moi, ça. En boss, les gens, ils me disent Doom. Hey, you Doom? On va-tu chez Doom? On va-tu jouer chez Doom? Doom, c'est tout. Doom. Mais ici, à l'extérieur de la bosse, on dit Dom. Les gens m'appellent Dom. Alors, c'est Dom. C'est drôle. Ouais, c'est vraiment Dom, en fait. Donc, mais en bosse, c'est Doom. Alors, je voulais juste mentionner ça. Docteur, j'aime ça quand même. Docteur Doom. Donc, parlons santé. J'ai eu un espèce de breakdown vendredi dernier. Vendredi, le 23 avril au matin. Non, okay, je vais arrêter de niaiser avec les dates. Là. Donc, vendredi matin dernier, j'ai, comme d'habitude, la tête pleine de tout ce qu'il y a à faire, et puis plein de choses à venir, et puis plein d'idées pour développer, pour faire des affaires. Ça spin 100 000 à l'heure là-dedans, comme d'habitude. Je m'en vais au magasin d'abord. J'y vais rarement le matin. Des fois, j'y vais aider, chercher un truc, whatever. Mais là, il y avait besoin d'aide un peu. Là, pour il avait accumulé du stock pas mal. Il y avait eu beaucoup de clients. Il n'y avait pas eu le temps de placer le nouvel inventaire. Il y avait eu beaucoup de shipping. Donc là, je me suis dit, je vais aller faire un petit tour. Je vais aller donner une heure là-bas pour les sortir un peu du pétrin. Fait que j'ai fait ça, tu sais. J'avais un petit point sur le bord de l'estomac. Tu sais, comme quand tu cours ou... pas tant quand tu cours. Quand tu cours, le point est de l'autre côté. J'avais quand même mal de ce côté-là aussi. Mais mettons que tu es stressé un peu ou t'as comme une anticipation. Je sais pas comment le dire. Là. Ça s'en vient. T'es comme... C'est comme le côté gauche de l'estomac ou peut-être un peu plus bas que l'estomac. Le bas de l'estomac gauche, en fait. Je pense pas que c'est les intestins. C'est vraiment l'estomac. Et puis, c'est ça, ça faisait comme un point, là, tu sais, ça serrait un peu. Je me dis, ok, là, c'est juste parce que je vais vite, je fais 1000 affaires en même temps, comme d'habitude. Fait café, café, café par-dessus, je me calme, je prends des respires, c'est comme, je fais mon matin, je me sens moyen, tu sais, malgré tout, ça, même si je me calme, ça passe pas, tu sais, puis là, comme ça augmente même, puis je fais mon matin, je dîne, sans appétit aucune, et puis je me force à manger pareil, je me dis, bon, du manger dans l'estomac, ça va comme me grounder, tu sais, ça va me calmer un peu, et puis, non, je le faisais pas pendant tout. Fait que je commençais vraiment à me sentir moyen, genre faible. Et puis je suis retourné chez nous et j'ai dormi toute l'après-midi. Je me suis réveillé en fin d'après-midi pour aller chercher mon plus jeune. Et puis je suis revenu à la maison et puis j'étais vraiment knock-out, là, tu sais. J'ai parlé, il me semble, quand même souvent dans mon podcast d'épisodes chroniques d'estomac. Où, au cours de la dernière année, j'ai passé là, plein d'affaires. Là. J'ai fait des repas barités, des scans de l'estomac, des ci, des ça. Je retournais une autre fois. J'ai fait tout les temps auprès de plusieurs spécialistes et des gogos pour essayer de trouver c'était quoi cette espèce de maladie chronique que j'ai qui m'arrive, que genre j'ai comme une barre à l'estomac et comme une ligne de mal dans le haut de l'estomac. Puis je perds tout appétit et je perds, j'ai plus de force. Je suis comme... Puis là, je m'endors, puis je suis plus capable de rien faire, tu sais. Puis ça me frappe à plus ou moins grande intensité, tu sais, mettons. Des fois, c'est comme juste une journée, un après-midi, le matin, on repart, puis ça va. Puis des fois, c'est comme je suis sur le carreau, là, vraiment la tête dans le cul pendant 2 jours, là, tu sais, pas envie de voir personne, pas envie de faire grand-chose, puis j'ai juste comme... J'ai pas mal, tu sais, je souffre pas, mais ça m'use, tu sais, je suis dans un état de fatigue intense, puis j'ai pas d'appétit, puis voilà, tu sais. Puis là, ça m'est déjà arrivé, tu sais, comme, je me dis, ah, c'est-tu de l'alcool, tu sais, des fois, comme une semaine où est-ce que je prends plus d'alcool, des fois, comme dans le temps des fêtes, il y a 2 ans, là, c'était, comme le... On fait le 24 chez mes parents, grosse bouffe, gna, gna, gna, de l'alcool. Le 25 dans Belle Famille, je fais du char tout le 25 l'après-midi pour aller en Beauce. J'arrive là, hey, on bouffe le 20. Puis là, c'est là j'ai barré ben raide. C'est comme trop de bouffe, trop riche, trop d'alcool, je pense. Et puis, pas de stress vraiment. Ben, stress un peu, là, tu sais, parce que tu te lèves, t'es légèrement hangover, t'es comme, ah, ok, on se secoue, on s'en va en Beauce. T'arrives là, ouais, tu sais, puis là, Puis là, hein, tu sais, c'est beaucoup de stock, tu sais, puis ça m'avait comme frappé. Et puis là, ce qui s'est passé vendredi, c'est ça qui m'est arrivé encore, mais là, ça a duré, là, toute la fin de semaine. Et puis lundi, je suis pas rentré travailler non plus, j'étais fessé, ben raide. Mais ça, tu sais, comme vendredi, c'était le pire, samedi, j'étais comme dedans, là, tu sais, j'étais au pic de vendredi. Dimanche, c'était un peu mieux, mais lundi, je me sentais pas encore. Là, je me sentais à 65-70% de ma force. Et puis mardi, ça allait mieux, fait que je suis revenu travailler. Puis j'essaye de trouver, ma blonde dit, prends des notes, tu sais, de ce que tu manges. J'ai peut-être de quoi que c'est intolérant puis tout. Puis je prends pas de notes, mais j'essaye de voir, tu sais, à chaque fois que ça m'arrive. Puis il y a rien de spécial, tu sais, ça peut pas être un petit ingrédient ou précis qui me shot down de même, peut-être, tu sais, je sais pas. En même temps, c'est pas comme je mange puis là ça me le fait tout de suite, j'ai des gaz ou whatever. Non, c'est comme je me lève le matin puis ça commence, tu sais, c'est weird, ça rentre. Fait que je sais pas, tu sais, c'est pas l'alcool non plus. Sérieux, je bois moi, je parle d'alcool souvent puis tout, pis j'ai fait le party en masse. Mais depuis 1 an ou 2, tu sais, je suis super trinquille là. Je prends genre 2 bières jeudi, vendredi, samedi. Des fois, même pas le jeudi. Bon, des fois, un peu plus le samedi. Mais tu sais, comme là, avec la COVID en plus, je vais plus au bar. Pas de party chez personne. Aucun abus d'aucune forme. Fait que, tu sais, le café, par contre, ça, c'est très présent, bien sûr. On fait bien des jokes avec ça, boire du café. Mais j'en bois quand même pas mal. Tu sais, cette grosse tasse-là ici, là, que vous voyez, que je sirote là, le matin, bien sûr, je la remplis. Là, elle est pleine présentement. Ben, je l'ai mis un peu moins un matin. Puis là, mettons, là, je bois ça, ici, en faisant mon podcast, en travaillant. Puis là, il en reste là-bas, fait que je me lève, je vais m'en remettre une moitié, tu sais. Là, c'est pas juste boire un café, ça, c'est boire genre 3 cafés à matin, tu sais. Puis là, l'après-midi, je suis comme, c'est un peu fatigué, mais ça va me faire du café. Puis là, je rebois, tu sais, comme ça. Là, ça commence à faire genre 6 cafés par jour. ça fait beaucoup de café, tu sais. Fait que, d'ailleurs, je vais en boire une gorgée. Fait que je me questionne là-dessus. Mon rituel est toujours de prendre un café le matin, rien que pour, tu sais, vivre. Et puis, dans le milieu de l'après-midi, là, rien que pour me re-kicker, là, parce que, en après-midi, tu sais, ça descend. C'est-tu vrai que les Mexicains, ils font des sommes l'après-midi, tu sais, pour mieux repartir le soir, tu sais, puis ils se couchent plus tard ou quelque chose? Moi, je vivrais ça. Si c'est vrai, là, ça ferait bien du sens pour moi. Là. Le milieu de l'après-midi, man, aucunement productif, à moitié amorphe, un peu tanné de tout. Paf! Moi, à chaque fois que je m'étends dans le milieu de l'après-midi, je m'endors immédiatement. Le soir, je suis pas capable de dormir, tu sais, puis Chris, un somme d'après-midi, là, ça te permet d'être poule d'affaires le soir. Il me semble on devrait réajuster notre vie comme ça. Là. Ça le ferait. L'après-midi, c'est de la merde. Rien qui se fait là. Là t'sais. Fait que, bon, en tout cas, moi, selon mon point, selon ma vie, selon mon lifestyle, ça ferait du sens. Fait que c'est ça. Tout ça pour dire, vraiment, vraiment, plus beaucoup d'alcool et puis beaucoup de café. Fait que je me dis, c'est peut-être ça, tu sais. Il y a de quoi, là. Mais je me suis rendu compte, tu sais. Lundi, j'ai eu encore un beat de stress puis tout ça. Puis là, ça remontait un peu l'estomac. Je suis comme, oh tabarnak, on dirait que ça va reprendre. Puis je pense que finalement, tout ça est lié pas mal à 85-90% au stress. Puis quand tu vides du café sur ta couche de stress comme ça, c'est pas bon, là, tu sais. Fait que je vais essayer de ralentir le café, vraiment. Là, ça fait plusieurs jours, vraiment plusieurs jours. Ben, depuis vendredi passé, en fait, que je bois pas de café l'après-midi. Donc, ça, c'est bon. Puis, raison pour laquelle je buvais pas mal de café aussi, c'est que j'étais comme travailleur autonome, designer graphique, assis devant un ordinateur comme ça, du matin 8h jusqu'à 5h, à essayer d'être créatif, productif, dans le fond de mon sol, tout seul, chez nous, tu sais, depuis des années, tu sais. Puis, Chris, à un moment donné, puis j'avais pas mal juste un gros client que je connais par cœur, tu sais, puis c'est pas mal un peu les mêmes affaires. Fait que, tu sais, c'est comme une répétition. Puis là, pour pas m'endormir ou pour me stimuler, tu sais, je me faisais des cafés, tu sais. Fait que le café sert de béquille, tu sais, à mon genre, mon ennui, ou pas ennui, là, mais au. Un peu l'ennui, là, tu sais, à juste comme, oui, un peu de café, wouhou, on repart, tu sais, c'est comme une drogue, là, carrément. Fait que c'est ça. Je sais que vous, pas besoin de m'écrire, là, dans les commentaires, là, YouTube, bois du thé, fais ci, fais ça, là. Là, je suis comme addict, là, tu sais, fait que je veux pas, je veux rien faire là-dessus. Je vais suivre aucune de vos recommandations, j'ai besoin de faire ça par moi-même. Et puis par moi-même, là, ce que je fais, c'est couper le café l'après-midi. Et puis d'en boire moins le matin. Donc là, je vais boire ça, comme je disais tantôt, mais je vais pas en reboire, ça va être tout. Et puis, j'essaie de boire plus d'eau aussi. Donc des fois, au lieu de boire une demi-chopine de café l'après-midi, un gros verre d'eau. Et puis, je vais compenser aussi en mangeant des pommes. Moi, je suis un gars de collation, je mange aussi. Je grignote, pommes, bartend, whatever. Fait que je vais manger comme une pomme à place de prendre un café. Pomme, verre d'eau. Ça devrait aider plus. Je mange beaucoup de pommes. J'en mange déjà avant de me dire que je vais manger des pommes pour rien. Fait que je vais en manger deux fois plus. En plus, il paraît, là, on m'a dit ça, là, que les pommes, ça enrobe ton caca. Ça te fait des beaux caca, des belles crottes là, bien soyeuses, bien droites. Là, et puis, on m'a déjà dit dans le passé qu'une bonne crotte, ça doit, tu sais, comme c'est rond au début, là, c'est parfait. Puis ça finit en pinceau un peu, tu sais, comme ça. Ouf, ça se détache de dans ton intestin, ça s'en va. T'sais, comme je veux des crottes, je veux des belles crottes comme ça. Là. Ça, je rêve là, tout le temps. Je veux tout le temps des crottes comme ça. Fait que les pommes vont m'aider à parvenir à cet idéal crottin. Et puis je vais boire de l'eau, puis ça devrait aider dans le fond. Et surtout, en fait, c'est là que je voulais en venir. Je vais tenter de guérir ou d'ajuster ma personnalité, pas ma personnalité, mais mon état d'esprit à juste essayer d'être moins efficace, moins productif. Tu sais, mettons, je fais les lunchs des enfants le matin. Là. C'est moi qui les fais. Là. C'est ça, notre routine. Pendant que deux toasts cuisent pour mon fils, Là, j'y sors ses affaires pour qu'il beurre ses toasts. Pendant ce temps-là, moi, j'ai un shake en train de blender. Et puis, il y a une affaire dans le micro-ondes qui est à 2 minutes 22. Donc là, pendant que ses toasts vont sortir après ça, moi, mon blender va être fait. Je vais le laisser là parce qu'après ça, tu sais, le 2 minutes 22 va être rendu à peu près à 40 secondes. Là, je vais essuyer le dedans du thermos que j'ai fait préalablement chauffer en me le levant tout de suite pour prendre l'avance pour ça. Ainsi, là, le thermos va être parfait. Il va recevoir le manger. Après ça, moi, je peux partir mes toasts. Après, tu comprends? Moi, je suis toujours de même, tu sais. Comme je regarde une situation... Puis je vois où il y a des pertes de temps, où est-ce que tout pourrait être ajusté, genre en fonction d'une parfaite efficacité. Et puis c'est vraiment ça le terme. C'est ça que ma psy avait dit aussi dans le temps, l'efficacité, tu sais. Et puis voilà, moi j'essaie toujours de rendre tout le plus efficace possible. Pas de perte de temps, tu sais, comme j'ai tout ça à faire dans le matin, tu sais, je suis capable d'imbriquer. Genre, toutes les actions, les unes dans les autres, là, toutes les facettes des multiples tâches que j'ai à faire, je suis capable de les imbriquer pour que je sauve du temps ou que ça soit fait parfaitement. T'sais. Ou, mettons, moi, les courriels, là, ma boîte courriel, je ne suis pas capable que ça s'empile. Je fais, moi, quand j'arrive le matin, je suis comme delete, mets ça dans tel folder, t'sais, comme je replace, je vais... Quand je pars de la maison le matin, le rack à vaisselle, il est vide parce que, tu sais, on met du stock dans le lave-vaisselle, tout le temps, tout le temps. Et puis les chaudrons, tout ça, on les lave, puis on les met sur le rack à vaisselle, puis ils sèchent pendant la nuit. Ben, le matin, avant de partir, tu sais, comme moi, ma maladie, c'est tout le temps que tout est rangé. La cuisine est clean hein, quand on part, là. Les bancs sont bien placés, tu sais, comme c'est très comme ça, là, tu sais. Puis là, ça a l'air intense, mon affaire, mais j'étais 4 fois plus de même. Avant, j'avais une routine égale. Parfaite à tous les matins. Si je dérogeais de ça, mon anxiété montait. Fait que c'est. Je suis en train de faire de la thérapie. Hein, hey, c'est vraiment le fun le podcast à Papa Cassette. Pas d'honneur pour tout. Il se thérapise sous nous autres. En tout cas, j'en parle parce qu'il y en a sûrement de vous qui sont comme ça aussi. Hein. Puis ceux qui sont pas de même, vous êtes bien chanceux. Il y a des degrés hein, aussi. Je pense qu'il y en a qui sont trop pas de même. Fait que là, c'est comme leur vie est un chaos. Puis là, il y a du monde comme moi, ou encore plus intense que moi, qui sont comme genre, tout est trop, là, tu sais, il n'y a plus place au laisser-aller, là, mettons, là, tu sais. Mais j'ai beaucoup de laisser-aller, pour vrai, vraiment, là, tu sais, comme j'ai pas, mettons, on part en voyage, on fait ça, ben oui, c'ti, on va là, c'est le fun, il n'y a pas de problème. Tu sais, quand je suis dans une autre zone, mais c'est ça, dans le roulement, tu sais, moi, tout est placé, tout va là, tu sais, les classeurs, tout est classé, tu sais, puis très rapidement, je trouve les gens... vivre dans un environnement chaotique autour de moi. Je suis comme, voyons, ramasse tes affaires, t'es pas capable d'avoir ce papier-là, les papiers, ils sont exposés, les mettre là, ça c'est là, tu sais, pourquoi ça c'est le même, pourquoi on... Je comprends pas que ça soit pas réglé encore, tu sais, comme, c'est ça, là, tu sais, fait que moi je vise beaucoup de même. Donc, c'est ma maladie, c'est une facette de moi, je suis comme ça, puis il y a rien que je peux faire pour changer ça, c'est sûr et certain. Tu peux pas changer qui t'es, tu sais, mais tu peux en prendre conscience puis essayer de t'ajuster par rapport à ça et c'est ce que je vais faire. Donc je vais là cette crise de vendredi là encore m'a montré que faut que je me calme un peu puis que les affaires fonctionnent quand même si tout est pas pris en charge immédiatement de façon 100% efficace. Et puis par rapport au magasin, c'est ça, tu sais, c'est pas ici. Ben, puis à l'arcade aussi, quand ça va réouvrir, et à mes projets bien, voilà, tout est toujours à faire, et tout est matière à amélioration, tout peut être plus performant, tu sais. Fait que t'as tout le temps des idées, OK, là, il faut que je fasse ça, après ça, je vais appeler eux autres pour avoir tel contact, pour essayer de voir tel, tu sais, comme, faut que je me calme avec ça, faut que j'en fasse moins, puis au pire, ça ira la semaine prochaine, tu sais, ça va se faire pareil, c'est sûr, tu sais, puis c'est pas grave si c'est tel truc. Pas obligé de régler ça maintenant, tu sais, j'essaye de... C'est ça. Puis tu sais, des fois, t'es comme, fuck man, j'ai plein de dossiers en cours, là, plein d'affaires à régler, faut que je trouve un papier, telle affaire, faut que je rappelle ces gens-là. Tu sais, mettons des affaires poches, là, tu sais que ça va te gosser un peu, puis qu'il faut vraiment que tu t'assoies pour les régler, ces affaires-là. Des fois, tu te dis, oh, maudit, je n'ai pas encore réglé ça. Puis des fois, t'es comme... Tu y penses pas, tu t'assois, puis plop, plop, plop, plop, plop, ça donne que t'es dans le bon beat, puis tu règles ces affaires-là, tu sais. Au niveau de la création, c'est pareil, j'en fais un peu ces temps-ci pour un contrat personnel, puis, tu sais, ah, man, je devrais être assis, là, en train d'essayer de trouver d'autres... Mais des fois, tu fais pas ça. Puis des fois, t'es comme, je m'assois à mon bureau, ici, à 3h30, parce que je prends un break de nettoyer des cassettes, je mange une pomme pour mon caca, et puis là, comme je réouvre mes affaires, puis là, je check un peu, puis là, comme je gosse 2-3 trucs, puis là, à 1h, je suis comme, wow, man, j'ai amené plein d'autres, tu sais, tu comprends, ça va, faut pas contrôler ça. You cannot rush art pour l'art. Mais bref, c'est ça, là. Donc, il n'y a rien de grave, jamais, en fait. Il n'y a rien de grave dans tout ça. Et puis, il n'y aura jamais mort d'homme par rapport à la gestion de rien de tout ça. Alors, je vais essayer de me calmer et de baisser un peu le café. Puis, ça va peut-être m'aider à avoir des crises moins fréquentes ou moins intenses quand j'en ai. J'ai des longs bouts où est-ce qu'il se passe rien aussi, tu sais. Fait que l'été passé, il se passait rien. Donc là, c'est ça. Alors, segway vers ça. Hey, ça fait combien de temps je parle? 25 minutes? OK. Je vais parler de jeux vidéo tantôt, inquiétez-vous pas, là. Parce que je veux parler un peu de d'autres affaires que je fais. Ben, c'est ça, là, le couvre-feu va remonter à 9h30, puis ça va vraiment faire du bien, pour vrai. J'ai hâte à ça. Et puis, juste aller prendre la bière au parc avec les chummies, tu sais, j'ai tellement besoin de ça, là. J'ai tellement besoin de ça. On a pu le faire une fois, tu sais, avant qu'ils remettent le couvre-feu à 8h. Puis, man, ça avait vraiment fait du bien, là, tu sais. Puis, oui, je préfère ça le samedi après-midi, mais, tu sais, je n'irai pas boire de la bière dans le parc, là, avec les chums pendant que mes enfants sont à la maison, tu sais. Fait que, pour moi, c'est vraiment les soirs de semaine ou de fin de semaine, quand c'est prévu, tu sais, que je vois mes amis, là, tu sais. Quand tu as des enfants, la fin de semaine, c'est faite pour les enfants, là, surtout. Là. Ou du moins, là, mes enfants sont grands, fait qu'ils partent jouer, là, tu sais, mais... Idéalement, je reste proche aussi parce que la maison a besoin d'une. C'est familial la fin de semaine. Fait, je peux pas aller me saouler au parc là, comme un maniaque, là. Du moins rarement. Ou je pourrais si je le planifiais, mais tu sais, c'est pas, ça marche pas, je trouve. Fait que c'est ça. Donc j'ai besoin de voir mes amis le soir et puis là, ça va vraiment faire du bien. Puis je voudrais faire un petit retour aussi sur le vaccin AstraZeneca. J'en ai parlé il y a deux épisodes, il me semble. Ouais. Au niveau des statistiques. Parce que là, on a eu des statistiques. Ben, il y en avait, mais je ne m'étais pas renseigné. Puis là, j'ai écouté les nouvelles et j'ai été 100% renseigné. La fameuse statistique du décès sur combien de doses, en fait. Parce qu'il y a une dame de la Montérégie qui est malheureusement décédée et de suite au caillot, pas caillot, là, le terme, j'ai oublié le terme. En tout cas, à l'effet secondaire dangereux et parfois fatal. De l'AstraZeneca. Ça a été le cas de cette dame de Montérégie, malheureusement, qui est très près de nous tous. On est au Québec. Donc, la statistique, le Québec, c'est petit, puis il y a quelqu'un qui est mort de ça au Québec. Donc, il est supposé en avoir plus, en fait, parce que la statistique officielle, c'est une personne qui peut mourir sur 100 000. Je pensais, moi, c'était genre des millions. Tu sais, là, c'était comme des millions, c'est énorme. 100 000, là, je suis comme... C'est 1 sur 100 000 qui meurt. C'est pas mal de monde quand même. Donc, je veux freiner mon ardeur de mon il y a deux épisodes par rapport à ce vaccin-là parce que ça fait pas mal de monde qui risque de mourir. Ben, pas mal, tu sais. Ça fait 10 sur 1 million, là. On est combien à Montréal, là, tu sais. En tout cas, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Ben du monde techniquement qui peuvent mourir de ça. Donc, la statistique est plus grande que je pensais. Mais bon, si je vais me faire vacciner, je pense que, tu sais, si on me le moffe de me faire vacciner demain matin, AstraZeneca versus attendre 2 mois pour avoir l'autre, j'irai quand même. T'sais. Puis, c'est ce que les médecins disaient à télé aussi. Ben, tu sais, c'est la science, hein? c'est vraiment ça. Ils disent, écoutez, une fatalité sur 100 000 versus combien de morts à ne pas vacciner massivement, à engorger les hôpitaux, à repousser d'autres opérations, tu comprends? Donc, le dommage est plus grand si on arrête de vacciner qu'un décès. Il y a plus de décès et de fatalités à ne pas vacciner qu'à vacciner à un taux de 1 sur 100 000 qui meurt, tu sais. Ça, c'est purement statistique, mathématique, et ça n'a rien à voir avec l'humanité d'une personne qui meurt, dont cette dame-là. Et puis, c'est ça, t'sais, c'est comme rendu là. C'est comme une statistique de mort. T'sais, c'est ça. Il y a pas de solution. Il y a des solutions parfaites et puis tu peux attendre pour l'avoir. Oui, il y a une solution très peu risquée qui, malheureusement, si la loterie de la mort te tombe dessus, ben tu vas mourir. Mais c'est ça. Donc, ça, je l'ai juste mentionné là, parce que je parle beaucoup. Hein, je donne bien des opinions moi, ici. Puis il n'y a jamais personne pour me bouncer la balle. Donc, puis j'aime ça, moi, les discussions d'opinions comme ça. C'est, j'adore ça. T'sais. Moi, parler du beau temps, mon calice, le small talk, j'haïs ça pour mourir. Mais j'adore discuter avec des gens et puis j'aime aussi des gens qui n'ont pas la même opinion. Puis je suis pas du genre à rentrer dans la gorge puis à comme ta gueule, si tu connais rien. Je pense que toute opinion est valable, ou à peu près, sauf celle des radios poubelles, tout. Non, c'est valable aussi d'une certaine façon. Puis ça peut être des très belles discussions. Donc c'est ça, je voulais juste mentionner que la statistique est vraiment plus grande. Alors je vous juge moins si vous osez pas aller vous faire vacciner AstraZeneca. C'est bien certain, ça fait réfléchir. Mais moi, personnellement, je le prendrais quand même. Mais ça, c'est très personnel. Donc, je vais revenir là-dessus, rien que pour pas passer pour un trou de cul. Tu sais. Ah. Donc, dernière chose qui n'a aucunement rapport au jeu vidéo. On est maintenant rendu à parler chiffres avec Papa Cassette. Donc, je suis en processus, ça c'est une autre affaire que je fais en même temps que toutes les fucking affaires. Je veux briser mon hypothèque pour un refinancement à un taux inférieur. Parce que présentement, moi j'ai signé fixe à 3.24 il y a 2 ans et demi à peu près. 3 ans bientôt que j'habite dans où est-ce que j'habite, que j'ai acheté ça. Et puis, 3.24. Et puis là, moi, j'avais commencé des démarches auprès de Multiprêt, avec qui j'avais eu des bons... ça, c'est des courtiers hypothécaires. Donc, c'est des gens qui te magasinent des hypothèques, tu sais, aux banques, genre, puis qui checkent qui t'offre les meilleures possibilités. J'avais eu un très bon service lorsque j'avais acheté ma première maison avec Multiprêt. Ça a été bien fun, ça avait coulé, puis tout. Fait que là, présentement, les taux d'intérêt sont super bas, tu sais, comme très bas. Fait que là, moi, je me dis, Chris, mais je me fais fourrer, faut que je change ça. Fait que j'ai rappelé Multiprêt, et puis ça n'a pas bien été. Là, c'est compliqué, ma vie personnelle d'emprunteur, comme, parce que je suis pas sur un payroll depuis 30 ans de la même entreprise, que j'ai juste un papier à donner, puis voici ma vie, tu sais. Comme je suis propriétaire d'entreprise, je fais de la P, j'ai eu de la PCU, le bar est fermé l'année passée. Ma nouvelle entreprise qui me paye en dividendes et en salaire, on ne peut pas tenir compte des dividendes parce que ça fait juste un an qu'elle existe, on aurait besoin de 2 rapports d'impôts. Non? Fait que sur papier, j'étais un hostie de cassé. T'sais. Mais puis arrive, Max Swain l'a dit, du moins c'est ce que ma blonde m'a raconté dans son deuxième livre. De nos jours, la richesse n'est pas nécessairement par l'argent ou le salaire. La richesse est par les actifs. T'sais, j'ai pas beaucoup d'argent liquide, puis j'ai pas des grosses payes. Quand je compare avec mes amis, c'est incroyable, man. Mes amis, hostie, ont des grosses payes, c'est malade. J'ai des amis qui ont des hosties de grosses payes, mais ils travaillent comme des hosties défoncées. Mais puis ils méritent 100% de tout ça. Là. Et puis, mais moi, j'ai vraiment pas des grosses payes, mais j'ai pas mal d'actifs, tu sais, comme mes deux entreprises sont des actifs, mon immeuble est un actif, tu sais, donc ça a l'air de rien, mes entreprises, mais il y a beaucoup de choses dedans. Retro MTL, il y a beaucoup de cassettes là-dedans, là, tu sais, s'il fallait vendre tout ça demain matin, ça serait rentable, tu sais, c'est mes actifs, ça, moi, là. Ça vaut de quoi, cette entreprise-là? Mon immeuble vaut quelque chose. Fait que si demain matin, je vends toutes les arcades et puis tout ce qui appartient à Arcade MTL, que je vends tout ce qui appartient à Retro MTL et que je vends mon immeuble, je vais avoir beaucoup d'argent. T'sais. Là, je ne suis pas propriétaire à 100% de mes entreprises, bien sûr. Je vais avoir mon pourcentage d'actions de revenus de ça. T'sais. Donc, c'est ça. Mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Donc, sur papier, je suis cassé. J'ai mon petit argent qui rentre, des affaires. Mais j'ai beaucoup d'actifs. J'ai aussi beaucoup de placements. Donc, j'ai pas accès à cet argent-là. Cet argent-là est juste comme mis autour de moi partout. Pourquoi je disais ça, non? C'est ça. Fait que sur papier, j'ai l'air d'un cassé parce que j'ai pas de salaire. Mais j'ai des actifs. Donc, voilà. Et puis, c'est ce qui avait posé problème avec Multiprêt. C'est pas assez. Je suis comme, quand c'était le temps d'acheter le triplex aussi, ça avait été compliqué parce que c'était genre ma pire année au niveau des revenus ou est-ce que mes contrats ils avaient vraiment baissé, puis Retro MTL commençait à grossir, tu sais, fait pas beaucoup, mais j'ai quand même réussi à acheter cet immeuble-là, genre, par la porte d'en arrière, je suis bien content, c'est une chance. Et puis, c'est ça. Puis ça finit par chier. Puis, comme notre dossier était en suspens, puis il s'est passé des affaires de leur bord. Fait que c'était n'importe quoi. Fait que là, moi et ma blonde, on écoute beaucoup Vendre ou rénover. Et puis, dans Vendre, on écoute ça depuis des années. Tu sais, je trouve ça bien le fun. J'aimerais des fois que ça se passe un petit peu plus sur l'île de Montréal, pour être franc. Parce que là, la fille, a fait juste là, montrer des maisons à fucking là, dans le nord, puis rive sud, rive nord, c'est comme arrête, mais un petit peu à Montréal des fois pour changer la donne, ça serait intéressant. Bref, commanditaire de cette émission, Hypotheca, c'est comme Hypotheca, ça me rentre dans la tête parce que c'est tout le temps, c'est Hypotheca, là je suis comme Chris, pourquoi on n'appelle pas Hypotheca? Dans ma tête, il n'y avait pas d'autres courtiers qui existaient, tu sais, d'entreprises de courtage que Multiprêt. Fait que j'ai appelé Hypotheca. J'ai envoyé un email Hypotheca. La journée même, une courtière nous est revenue. Super efficace, super le fun. Quelqu'un de notre âge, ça donne qu'elle habite là, vraiment pas loin de chez nous. Fait qu'on se fait des zooms. Moi, vu que j'avais déjà fait toutes les démarches avec Multiprêt, j'avais déjà tous mes papiers en main. On y dompe ça, à place ça, il manque 2-3 papiers, c'est facile. Tout de suite, elle nous sort des scénarios. Je suis comme, wow, man, c'est dommage. Non, mais le fun, tu sais. Puis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis cassé, oubliez pas, là, c'est de la merde, là, tu sais. Puis, non, ça coule, ça va bien. Je suis comme, waouh, Chris, hostie, yeah. Fait que si vous pensez acheter une maison prochainement, ou vous voulez refinancer votre hypothèque, whatever, essayez Hypotheca. Ou, pokez-moi, je vais vous donner ma contact, puis, tu sais. Je vais avoir des rabais. Puis ma contact aussi est très bonne. Quand on finit la transaction avec elle, elle donne un montant pour cadeau, genre pour avoir travaillé avec elle. Donc voilà, très très efficace. Là. D'ailleurs, tantôt, j'ai envoyé mes affaires encore, il manquait un papier. Fait que j'aime beaucoup ça. Et puis tout ça pour dire que là, je vais signer variable. Et il manque juste que ça finisse. Là, je vais signer variable à 1,45. Donc, comparé à 3,24, ça c'est merveilleux. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on a une hypothèque et on a une marge de crédit qui est gobée à 50%. Et puis, on a une pénalité pour briser notre hypothèque de chez Desjardins. Fait que la pénalité est la partie grugée de ma marge hypothécaire. Ça va retourner sur l'hypothèque. Et puis là, on va faire affaire avec TD. TD n'ont pas de marge à tout là, hypothécaire comme Desjardins. Par contre, on va se dégager un surplus. Donc, on va avoir une plus grosse hypothèque que l'immeuble. Pour se dégager un 40 000. Et puis, ce 40 000-là, on va l'avoir de notre bord. Il est à nous. Et puis, on va en mettre 10%, pas 10%, mais on va mettre un 10-15 000 dans les REA des enfants, booster ça au coton pour avoir plus de revenus là. Très, très rentable les REA. Et puis, le reste, on va le mettre dans un CELI pour qu'il fructifie. Et puis, il ne faut pas qu'il soit loin, par exemple, parce que ça va servir à rénover les appartements au deuxième. Si la dame de 83-5 ans, je ne me rappelle plus de son âge, s'en va, chose qui peut arriver. Le gars, je pense pas qu'il va s'en aller, mais notre plan, c'est que quand madame va partir, on rénove son spa, son appart. On dit au locataire, l'autre bord, qui est un gars de notre âge, va vivre là quelque temps. On rénove son spot et il retourne chez eux. Ainsi, tout est rénové en haut, tout est merveilleux. Et on jack les loyers. Et puis, on est des hosties de propriétaires de marde, de Chris, que c'est pas vivable à Montréal. Hey man, tu sais, c'est pas vivable. Je peux pas louer ça 500$. Comment ça me coûte tout ça? Ça, c'est une autre affaire, tu sais, je vois des affaires des fois. Les propriétaires, ils crossent le monde, ils nous sortent les couilles. Je suis comme, wow, moi, je suis un hostie de bon propriétaire, là. Je répare tout, j'améliore. Tu sais, on est là, je pèle les marches, je mets du sel, je fais tout le kit, là, tu sais. Puis les loyers sont pas chers, là. Puis faites-moi pas chier avec ça, là. Comme si tous les propriétaires étaient des trous de cul, là, tu sais. Ça m'énerve, ça. Il y a des propriétaires trous de cul, mais tu sais quoi? C'est tout le temps les propriétaires qui n'ont jamais de pouvoir pour se défendre. C'est tout le temps les entrepreneurs, les propriétaires, qui l'ont dur dans la vie quand c'est le temps de fuck, man, on n'a pas de pouvoir, on est coincé, tu sais. C'est fait, le monde est à l'envers. Il y a des propriétaires trous de cul, puis il y a des dirigeants trous de cul. Fait que c'est pour ça que les syndicats existent. Mais si le monde n'était pas trous de cul, on n'a pas besoin de ça, puis on pourrait être juste un bon propriétaire, puis gérer ça convenablement. Mais bref. Fait que c'est ça mon plan avec Hypotheca. Et puis, je capote, man. C'est bien fun. Fait que dans le fond, ça revient un peu au même. On garde le même paiement, mais on va donner plus de capital. Et puis, ça va descendre plus vite. Et puis, on se dégage une marge. Fait que, tu sais, la différence n'est pas énorme vu la pénalité de 18 000$. Donc, on perd 18 000$. Ça traite de même. Mais, mathématiquement, quand on regarde tout ça, ça fait du sens, tu sais. Fait que ça, c'est bien. Alors, voilà, on va mouver ça chez TD. On va partir de chez Desjardins. Mais, tu sais, les hypothèques, hein, c'est comme les assurances. C'est... Quand c'est le temps de renouveler... magasiner, tu sais, checker ça un peu, faites pas juste de OK, on reste chez Desjardins, taux fixe, tu sais. Et puis, les assurances, tu sais, moi, des fois, c'était. TD, c'était le meilleur. Après ça, je fais une coupe de téléphone, c'est comme, oh, ben, Intact, c'est meilleur, tu sais, c'est totalement random, là, ça change tout le temps, là, il n'y a pas de. Puis, tu sais, là, notre hypothèque, au début, on était avec Scotia. Là, on est allé chez Desjardins. Là, on s'en va chez TD, tu sais. On va peut-être revenir chez Desjardins dans 5 ans, qui sait, tu sais, je sais pas. Fait que c'est tout le temps, on dirait que ça change tout le temps. Donc, c'est pour ça que c'est bien de magasiner puis de checker ces affaires-là. Et puis, fuck, je voulais dire de quoi? Ah, je voulais vraiment dire de quoi, là. Je vais boire du café pendant que je pense. C'est ça. Le fameux taux fixe et taux variable. Toute ma... Moi, je suis propriétaire depuis 2011. Et si j'avais été taux variable depuis ce temps-là, j'aurais toujours payé moins cher. J'aurais tout le temps économisé. T'sais. Parce que, bien sûr, les taux d'intérêt ont juste descendu. Puis là, ils sont à un plus bas. Là. Puis là, on pourrait dire, ben là, signe fixe. Maintenant, ils ne pourront pas être plus bas. T'sais. Ils vont monter. Ben oui, ils vont monter, mais ils vont monter à quelle vitesse, tu sais? Mettons, là, je vais essayer de vous le faire, là, dans les airs, comme ça. Ce stylo-là, là, c'est la barre du taux fixe, OK? Quand tu signes variable, tu pars en bas. Donc, au début, ici, où mon doigt, ça, c'est le début, là. On commence à payer ici, là. Donc, ce petit cure-dent, ici, très magnifique, ça, c'est le variable, il part là. C'est sûr que les taux vont monter. Fait que le variable, il va monter de même. Mais il va pas monter tout de suite au début en malade comme ça. Il va monter tranquillement, comme ça. Puis d'après moi, vers la fin, vers la quatrième année sur 5, il va dépasser ici. Fait que pendant 1, 2, 3, 4 ans, je sauve. Cinquième année, je paye plus. Juste là, tu sais, tu comprends? Fait que j'économise tout ça. Puis je paye en surplus tout ça. Fait que je suis gagnant, tu sais. C'est toujours ça. Le taux variable, il part tellement plus bas qu'il ne sera jamais aussi élevé que le taux fixe de départ. Du moins, c'est tout le temps ça le calcul. Puis tout le monde est comme « Ah, moi, j'aime mieux avoir un taux fixe pour ne pas avoir de surprise. Là, si jamais on paye plus, là, je vais avoir le même paiement tous les mois. » Cette sécurité-là, tu as payé cher. Là, puis, mais je la comprends. Ma première maison, on voulait un taux fixe, nous autres, avec, parce que tabarnak, ça va coûter cher une maison. Puis on a la chienne de penser que le toit, il va lâcher un moment donné, ici et ça. Mais on veut fixe, là. On veut pas, là, tu sais. Puis, on re-signe tout le temps fixe. Puis, tu sais, tout le monde est courtier, man. Desjardins, ils mentionnent même pas le taux variable. Quand on a acheté notre Plex, là, tu sais, si j'avais signé ça variable comme je pensais. Puis, en plus, ce petit courtier-là, mais il nous rend des assurances. Prenez pas des assurances sur votre hypothèque, tu sais. Séparez toujours vos assurances vie familial, tout ça, de la place où est votre hypothèque, tu sais. Sinon, ils vont vous le rentrer dans le cul, vous allez payer pour rien, là. Assurez-vous comme il faut à la vie pour couvrir votre maison puis vos paiements par rapport à si tu crèves, ma conjointe, ça va être correct. Ne prends pas une assurance hypothèque, tu sais, c'est de la merde, ça, tu sais. En tout cas, fait que c'est ça. Puis là, je vais juste finir avec ça. Ce taux variable-là de TD est très intéressant parce que peu importe ce qui se passe, il va garder le même paiement pareil. Donc, si le taux il monte, comme il va ajuster le capital et les intérêts en fonction de garder le même paiement. Donc, si le taux il monte beaucoup, ben tu vas juste payer moins de capital et plus d'intérêts. Donc voilà. Alors au final, le paiement reste le même et puis je pense qu'on va être très gagnant avec ça. Et puis je suis bien content de ça. Donc pensez-y, c'est très intéressant. C'est très intéressant. bon, excusez, un petit texto là. Alors, jeux vidéo maintenant. Après 45 minutes de parler de n'importe quoi. Ça me fait du bien par exemple. Je suis désolé là, si vous étiez ici pour que je parle de... C'est quoi ma manette préférée là, ou bien les jeux que j'ai pas aimés de bébé. Je me suis parlé de ma vie là. Alors, mais il y a des posters de jeux vidéo en arrière de moi, fait que ça reste jeux vidéo quand même. Et puis voilà, donc je vais en parler un peu ici de trois choses. J'ai reçu ma Phoenix de Collector Vision. Collector Vision qui est une entreprise, je dirais, québécoise du moins, avec des Québécois dedans et des Américains aussi. Donc, ils font des jeux pour Intellivision, Coleco, tout ça, des homebrew, des remix, tu sais, comme ils ont fait Zaxxon pour l'Atari 2600, par exemple, qui m'ont donné. Ils font bien des affaires. Pour être franc, je suis pas vraiment là, tous les jeux qu'ils font. Mais ce qu'ils ont fait, c'est une console Coleco Next Gen HDMI HD qui peut lire tous les jeux Coleco et puis qui se branche sur une télé moderne et puis que ça marche super bien. Donc, l'Amico, au début, la nouvelle Intellivision qui avait été annoncée il y a plusieurs années, moi, je pensais que ça allait être ça. Tu sais, c'est ça qu'on veut, dans le fond. Là. On n'a pas besoin, là, tu réinventes le jeu vidéo. Là. On veut juste comme jouer sur nos jeux Intellivision Coleco puis Atari sur une télé, là, tu sais, HD, sans que ce soit une hostie fuck-up, là, tu sais. Donc, c'est ça que Collector Vision a fait. Et puis, ça a été long, quand même. Mais tu sais, bon, ça fait comme un an que j'ai payé pour cette console-là puis je l'ai finalement reçue. Puis, mais c'est pas de leur faute, là, tu sais, c'est pas évident, présentement, il y a des délais sur tout. Et puis, je suis très, très, très satisfait, tu sais. Puis, je veux juste mentionner aussi qu'il y a un port sur le côté pour brancher une manette Super NES. Deux ports sur le téléphone. Mais au moins, il y en a un. Donc, tu peux utiliser une manette Super Nintendo si tu veux pas jouer avec une manette Coleco, là, tu sais, qui sont des fois quand même pas si fun que ça à utiliser. Mais les manettes Coleco, il y a un clavier dessus. Alors, moi, ce qui est conseillé d'utiliser... Attends un peu. Je cherche le nom. C'est une manette de Super Nintendo. La NTT Data Keypad. Donc, qui est une manette de Super Famicom avec un clavier numérique dessus qui venait avec un modem et tout dans le temps pour jouer au Super Famicom en ligne des patentes des affaires que je comprends rien. Et puis, cette manette-là est compatible. Donc, tu as le feel d'une manette de Super Nintendo avec... le keypad dessus qui est nécessaire au Coleco pour certains jeux et qui est nécessaire aussi juste pour commencer parce qu'avec le keypad, tu choisis quel, si tu veux jouer à deux, si tu veux, à quel niveau de difficulté tu veux mettre. Donc, tu as tout sur ta manette, là, puis tu as le feel Super NES pour jouer au Coleco. Fait que moi, j'ai ça. Moi, j'ai une Everdrive Coleco et maintenant, j'ai ma Collector Vision Phoenix. Man, je peux jouer au Coleco comme un prince. Puis ça plante pas, tu sais, les consoles Coleco, c'est fucking fragile, là, puis c'est pas fiable. Mais là, man, je suis Coleco à côté, je peux faire, tu sais, tout ce que je veux, c'est vraiment un beau setup, là, tu sais, je suis très, très, très content de ça. Mais tu sais, je me rappelle plus comment j'ai payé la console, là, une couple de centaines, là, peut-être 300 avec le shipping, je sais pas trop. Tu sais, la manette, c'est un 80... Le lever drive, je sais plus, là, ça fait des années, on l'a pas mis dans un lot chez Retro MTL, fait qu'un autre 100, tu sais, c'est sûr que c'est un setup à 500$ quasiment si tu mets tous les morceaux ensemble pour jouer au Coleco, mais je me suis pas rendu compte que j'ai payé ça 500$ vu que ça s'est fait bout par bout sur des années, mais écoute, mais j'ai tout vendu ma collection Coleco, puis j'avais une très jolie grosse collection Coleco, je l'ai toute vendue cette année. J'ai pas encore vendu ma collection Intellivision, j'y songe. J'ai vendu une très grosse partie de ma collection Atari pour me concentrer juste à garder les affaires que j'aime. Tu sais, le Coleco, j'aime ça, mais j'ai pas grandi avec non plus, mais c'est une console que j'aime toujours explorer, tu sais. Fait que la collection, j'y tenais pas tant, puis elle était massive avec les années, elle s'est grossie tout seul. Fait que j'ai vendu ça pour de la belle argent, tu sais, qui paye en masse mon setup de prince de Phoenix. Donc, ça fait moins de stock chez nous. Ça fait une petite console. Elle n'est pas grosse, elle est toute belle. C'est là, là. Puis je peux jouer n'importe quand au Coleco. Puis quand la COVID va être finie, puis que je vais avoir des amis, on va se faire des soirées. On va jouer pour vrai au Coleco, parce que ça va être super simple de jouer, puis ça va être super le fun sur fucking télé HD. C'est pas de lag, tu sais, ça va être parfait. Là, on va vraiment avoir du fun. Je te dis, on va avoir du fun pour vrai, parce qu'il y a des bons jeux de Coleco. Je joue à Tapper, sur Coleco, j'adore cette version-là de Tapper, ça marche bien. Burger Time, un jeu que j'ai découvert dernièrement aussi, il s'appelle Oil's Well. Donc, le puits d'huile, et puis c'est un jeu qui vaut cher, ça, je vais vous le dire. Je vais juste aller voir sur Price Charting. Oil's Well au Coleco Vision est un jeu qui vaut 60$, loose. Donc, mais malheureusement, c'est un jeu de Sierra. Et puis les jeux de Sierra au Coleco, c'est-il le label bleu, bleu luisant, le bleu poudre, pas argent, mais bleu, tu comprends, ça brille. Ben, ça se défait ça avec le temps, le brillant, il décolle, tu sais, ça tient pas la route sur 30 ans, ça là. Fait que la plupart des jeux Sierra, BC's Quest for Tires, tu sais, tous ces jeux-là, là, ben, tout le label, il est rendu gris au lieu d'être bleu. Fait qu'il n'est pas capable de lire dessus c'est quoi le jeu. Fait que c'est ça. On a déjà eu des copies de Oil's Well en magasin. Puis c'était tout le temps ça le problème, malheureusement. Mais c'est un très bon jeu où est-ce que t'as il y a un chemin fait dans la terre. Faut que tu descendes ton tuyau comme un serpent à travers les chemins pour te rendre pour manger toutes les pastilles qu'il y a dans la terre. Un genre de Pac-Man. Mais avec un serpent. Quand tu presses sur le bouton, brrr, il se rétracte et il monte jusqu'en haut. Et puis de chaque côté, tu as des bébites souterraines là, qui te foncent dessus. Il ne faut pas qu'ils touchent à ton tuyau. Donc c'est vraiment de faire. C'est comme un Pac-Man dans lequel tu as un long tuyau qui part d'en haut et qui descend jusqu'en bas, qui peut aller dans les deux sens. Puis que tu te rétractes en pesant. Tu rétractes très rapidement. T'sais. Comme ça, les bébites ils passent puis tu redescends. Puis aussi, tu peux les manger, les bébites, genre, ou si tu ne bouges pas. En tout cas, il y a des petits twists de même. C'est très intéressant, c'est pas pire pantoute. Donc j'ai bien du fun avec ça, et puis écoute, j'ai joué à Buck Rogers, encore une fois chez nous, puis ça va me prendre une autre télé, là. Ça va me prendre de quoi, parce que là j'ai mis ça dans le salon, tu sais, parce que je voulais jouer vite fait, en bas mon gars est là, puis je peux pas jouer à ma guise dans ma maison autant que je voudrais, malheureusement. Donc je sais qu'il y en a qui ont mentionné quand j'ai montré j'ai fait une photo sur ma page Facebook. Hey, ça devrait faire un setup de pauvre, ça. J'aimerais ça, mais Chris, je sais pas où les faire, mes setups de pauvre. Tu sais, je le ferai ici en fait, mais là je peux pas, il y a un couvre-feu, tu sais. Mais ça serait vraiment le genre d'affaire qu'il faudrait que je vienne faire le soir ici, puis pour avoir des amis, tu sais, ou quelque chose. J'ai vraiment hâte là, à la fin de la COVID pour comme explorer tous ces projets-là, d'être avec du monde puis de faire des publications, des projets podcasts plus complets. Là, là, chez Papa Cassette, je voudrais peut-être avoir du monde là, de temps en temps, là, fait que, sans le faire à distance, quelque chose de même. Fait que on verra. Mais j'ai beaucoup de fun avec ma Phoenix. Je suis très, très, très content. C'est une très bonne machine. Et puis, écoute, il y a du développement. Le jeu vient built-in aussi avec des homebrew. Ça vient avec un card de Sydney Hunter, un de leurs Sydney Hunter. Donc, le jeu vient, le package vient avec beaucoup de stock. C'est très généreux. Donc, excellent shit. Je pense qu'ils ont décidé d'arrêter d'en faire. C'est beaucoup de travail pour eux autres. C'est fait à la main. T'sais, c'est une imprimante 3D. Ça a l'air de ça, en tout cas. Mais, tu sais, propre. Et puis, c'est tout monté custom et tout ça. Fait que c'est beaucoup de travail pour le peu de revenus qu'ils en tirent, je pense. Alors, c'est ça qui fait qu'ils... Mais moi, je vous dis, Collector Vision, essayez de trouver une façon d'améliorer la production. Je sais pas quoi. C'est définitivement un produit intéressant. Vous aviez fait aussi des joysticks, un gros joystick là, d'arcade pour Coleco. Chris, c'est merveilleux, ça. Faites-en d'autres. T'sais. On veut ces affaires-là. Faites moins de jeux, là. Arrêtez d'annoncer et de faire des jeux. Là. Concentrez-vous sur du hardware. Demain, une façon de faire du hardware, ça serait fourraine. Là, ils ont parlé aussi d'une expansion qui va être branchable sur la Phoenix pour l'Atari 2600. Donc là, man, tu peux jouer à l'Atari avec ça. Ça serait-tu merveilleux, ça? Faites Atari en télévision, man. Grabez tout ce marché-là, là, que tout le monde là, lève le nez dessus, là, qu'il n'y a pas de console analogue ou que l'Intellivision n'a pas décidé de faire ça ou whatever. Puis faites-le, tu sais, vous allez en vendre, puis faites-le bien. Voilà. Deux petits jeux auxquels j'ai joué, puis après ça, ça va être tout pour aujourd'hui. Metroid Fusion, je n'avais jamais joué à ça. Et puis, j'avais déjà joué à ça parce que moi, j'étais un ambassadeur de la 3DS. Là, je dis ça, puis il me semble que je l'ai déjà mentionné dans un épisode. Donc, ambassadeur de la 3DS, et puis on m'avait donné ce jeu-là, bien sûr. Et puis, j'avais joué dans le temps, puis j'étais comme resté coincé au boss, là, qui est comme une espèce de pénis, là, puis qui, là, il saute dans les airs, faut que tu tires par en dessous. Puis dans le temps, je sais pas pourquoi, j'avais pas catché qu'il fallait que je le tire par en dessous. Fait que je savais pas comment attaquer ce boss-là, puis j'avais comme juste laissé ça de côté, puis fait d'autres choses, parce que fuck it. Fait que j'avais abandonné vite, je trouve, un jeu d'une telle ampleur. Donc c'est j'ai décidé de refaire ça dernièrement parce que mon plus jeune avait la Switch, mon plus vieux avait la télé en bas. Fait que là, je suis comme, bon, ben, on va ressortir mon Game Boy Advance. Après tout, j'ai eu Everdrive et j'ai tous les jeux de Game Boy Advance existants. Là, je me suis dit, Chris, ça se ferait un bon petit Metroidvania, un vrai Metroid, tu sais, que j'ai jamais fait. Fait qu'on va faire ça, là. Fait que je suis plongé là-dedans, j'ai adoré ça. J'aime beaucoup comment est-ce que c'est lugubre, comment est-ce que c'est comme t'as l'autre, le X qui te court après, qu'il faut pas que tu croises, sinon il te tue, tu sais, c'est comme, il y a un jeu de chat et souris là-dedans, il y a un boss, le Nightmare, tu sais, le bruit, c'est, là j'étais juste de même dans mon écran, là, mais j'imagine, tu sais, sur grand écran, toute lumière fermée, tu sais, t'as comme une vibe, là, vraiment alien-esque, là, si je peux dire, donc j'ai beaucoup aimé ça. C'est un Metroid plutôt linéaire, peut-être même le plus linéaire de la série, à ce qu'on dit. Moi, ça me convient parfaitement. Ma game a duré à peu près 4 heures. J'ai ramassé 50% des items. J'ai pas vu Samus en petite tenue. Elle avait full suit, mais ça me dérange pas. Et puis, je cherchais pas non plus à ramasser tous les items. Là, c'est long. Là, c'est quelque chose qui me dérangeait un peu au niveau du jeu, par exemple. C'est qu'il y a tellement de murs à péter et d'affaires cachées. Tu stresses, tu sais, à pas chercher dans une pièce à savoir s'il n'y a pas un truc caché ou un plancher ou je sais pas quoi. Fait que ça vient beaucoup de recherche de murs à péter, tu sais. Ça vient gossant, là. C'est tes FOMO à côté, là. Fear of missing out. Comme, oh my god, cette pièce-là, il me semble. Fait que là, je mettais des super bombes partout pour essayer de révéler là, les trous dans les murs. Donc, ça, je trouvais ça un peu. Mais sinon, c'est un jeu parfait. Puis, de ce que j'ai compris, dans la série Metroid officielle, si on compte pas les Prime, c'est Metroid au NES, Metroid 2 au Game Boy. Après ça, c'est Metroid Other M, excusez, sur Wii. Et ensuite, c'est Metroid Fusion. Donc, Zero Mission, c'est comme un remake du premier. Fait que ça compte pas vraiment. Donc, là, c'est comme, waouh! Puis dans Metroid Fusion, elle parle d'un général là, là-dedans, puis tout, puis qui serait mort. C'est comme, crime, je suis pas au courant de rien. Ben, ça me donne le goût de refaire Other M. J'ai joué à Other M, je l'avais commencé dans le temps, puis je l'ai comme abandonné, comme tous les jeux Wii que je commence. Ça me tente jamais de jouer à la Wii. Puis là, je suis comme, ah, faudrait que je me force, là. Faudrait vraiment que je fasse Other M, tu sais. Tout le monde chiale, c'est bon, mais moi, j'avais eu du plaisir, là, mais pas à outrance. Bref, parce que je l'ai laissé tomber, tu sais. Mais je pense que si j'avais Other M dans ma Switch portable, de même, je pouvais jouer sur le fly, j'aurais joué à ce jeu-là, puis je l'aurais fait depuis longtemps, tu sais. Là, c'est juste partir la Wii, monopoliser la télé, puis tout, c'est pas... c'est une longue aventure, quand même, je pense. Mais j'ai vraiment envie de faire Other M après avoir joué à Fusion. Donc, voilà, j'ai comme un trip Metroid présentement. Ben, c'est bien plaisant. Donc, excellent jeu, là. Si vous n'avez pas joué, bien sûr, c'est vraiment, c'est parfait, là. C'est un autre Super Metroid, mais sur Game Boy Advance, là. Ça look Super Nintendo parce que le Game Boy Advance est presque cohérent à ça. Donc, très cool, très très cool. Et je vais finir en parlant du jeu Chasm. Donc, Chasm. Donc, Chasm. Mais là, c'est dur à dire ce mot-là, ça veut dire, faudrait dire chasm, c'est ce que je pensais qu'il fallait le dire aussi. Je veux juste voir c'est quoi que ça veut dire en fait. Deep, ok, c'est une grande fissure dans la terre, donc c'est une craque, une gorge, donc ça fait du sens. Parce que c'est un peu ça le jeu. C'est un, je joue sur Switch à ce jeu-là. C'est un Metroidvania, encore une fois. J'aimerais vraiment qu'on trouve un terme pour ce style de jeu-là. Parce que là, il y en a beaucoup des jeux qui sont des Metroidvania. Puis c'est pas un beau terme. Il faut trouver un vrai nom. Un action 2D platformer rétro, je sais pas quoi. Ça prend un nom précis. J'haïs ça de dire Metroidvania, mais en tout cas, vous savez tout ce que c'est. Fait que c'est ça que je veux dire. Puis, donc, on descend dans la Terre, en effet, puis finalement, tout se passe dans la Terre, avec ça fait du sens qui s'appelle Chasm. Et puis, ouais, c'est vraiment plus Symphony of the Night-esque, je trouve. Tu sais, ton coup d'épée, la façon que tu frappes les ennemis, et puis les petits points de dommages qui apparaissent. T'as une arme, t'as deux mains, une pour la magie, une pour ton épée, ou ta masse, whatever. T'as un casque, un chest. T'as deux items que tu peux mettre des rings ou des colliers, des affaires. Donc, c'est un peu comme Alucard. Enfin, de la même façon que t'équipes Alucard, dans le fond. Et puis, ton équipement, tu l'achètes. Tu peux la faire crafter. Tu peux la revendre. Tu peux revendre tes items. Donc, c'est beaucoup de gestes. T'as de la bouffe aussi pour te redonner de la life. Là, on n'a pas besoin de crafter. Là. Ah, tu peux-tu crafter la bouffe? Non. Mais bonne affaire, à un moment donné, ça suffit. Bloodstain était tellement deep là-dedans. Moi, je commence que je craft des œufs pour avoir tel. Je m'en crisse à un moment donné. Là. Mais là, c'est juste crafter les armes. Fait que ça me va. T'achètes les magies. Fait que c'est la même gestion d'inventaire et de. Il y a du level up aussi et tout. T'as des petits familiars qui peuvent te suivre aussi avec certains items. Il y a certains items qui sont magiques. Et puis c'est comme Castlevania Symphony of the Night, mais cette gestion-là, là, puis même le menu, il ressemble. Mais léger, tu sais, il y en a moins. Mais moi, ça me plaît, ça. C'est pas compliqué, tu sais, il y en a pas trop. Tu vois tes stats, tu level up. Mettons, tu veux équiper tel chapeau, ben là, il te montre quels stats que ça fait monter, quels stats que ça fait descendre. C'est très agréable, donc tu peux équiper des affaires de même tout le temps. Très bien fait. Le gameplay, il est tight. Tu débloques ta quête des reliques qui te permettent de grimper, qui te permettent de planer, qui te permettent de faire ça. Des boss. C'est un look très 16-bit-esque. Là. Le livret, c'est comme un faux cover de Super NES, donc de boîte de Super NES. Donc ça se veut un jeu qui serait un jeu de Super NES à leurs yeux, j'imagine. Donc c'est un peu ce look-là. Plus pixel, par exemple. Vraiment plus pixel. Moins pixel que Elliot Quest, par exemple. Mais très intéressant. Donc, mais là, je t'avouerais, au début, j'étais comme bien emballé. J'étais comme, ah, tu sais, c'est pas un jeu révolutionnaire. C'est un jeu, comme je disais dans mes commentaires Facebook, feel good, tu sais. Ça invente rien. Mais ça fait parfaitement ce que tu veux que ça fasse, tu sais. Et puis là, par contre, j'étais un peu coincé. Je sais plus où aller. Fait que là, je repars, je refais tout. Là, je suis comme, ah, parce que les gens au village disent, hey, amène-moi trois viandes. Hey, amène-moi deux affaires, amène-moi. Donc là, je me rends compte, je n'ai rien ramené à personne à venir jusqu'à la date, puis j'essaie juste d'avancer dans l'aventure. Donc, je vais retourner en arrière, tu sais. Puis, mettons, tu acquiers le skill de wall jumping, comme ça, triangle jump, comme dirait dans Strider. Tu te rends compte qu'il y a bien des places que tu peux. Tu sais, tu retournes au premier niveau, à la première couche. Une place où tu ne pouvais pas, là tu pognes une petite grosse épée, je suis comme, ah, ok, ouais, le jeu il t'encourage vraiment à retourner en arrière puis de retourner dans une place que tu n'es pas passé parce qu'il y a des items importants. Là, moi j'étais déçu, est-ce-tu? Je venais juste de payer la totale pour un beau casque de bronze, puis là, man, je backtrack rien que pour fouiller, puis je trouve tout de suite une couronne en or ou je sais pas quoi qui est comme 1000 fois plus puissante que le casque que je viens de payer à gros prix. Le tabarnak! Fait que je me rends compte que c'est ça, acheter de l'équipement, là j'étais rendu au quatrième niveau dans le fond, puis je me faisais blower, là, tu sais, là je retournais dépenser de l'argent pour m'équiper un peu mieux, tu sais, puis ça a fait un bout, mais je backtrack, puis je pogne plein d'affaires, fait que dans le fond, je vais fouiller un peu, puis là je sais plus où aller, je viens de tuer une espèce de Mad King, puis ça s'arrête là, fait que je sais plus où aller, j'ai sûrement manqué quelque chose, je sais pas quoi. Je me rappelle qu'il y a des portes où est-ce qu'il faut que tu mettes deux trucs. Je me rappelle plus où. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut que tu mettes. Il y a des zones là où est-ce que tu faut que tu débloques des affaires, j'ai pas trouvé comment. Fait que ça me maintient. Là, j'aimerais ça pour être pogné là, pendant 2 heures encore, là, juste me promener comme un épais. Mais je vais le faire. C'est correct. Là, je sens un peu un stress parce que je vais en parler à Rétro Nouveau la semaine prochaine. Puis je vais faut que je le finisse. Mais bref, j'ai bien du plaisir à jouer à ça, vraiment. J'ai tellement un gros backlog de Switch. Là. Man, on vient chez Rétro MTL. Là, je vais avoir mes chantés vont arriver par la poste. On a aussi chez Rétro MTL, inquiétez-vous pas, plein. On a reçu Tanuki Justice. Là, je veux vraiment jouer à ça. Ça a l'air d'être un Ninja Senki. Puis moi, j'aime beaucoup Ninja Senki Tribute. Ça a l'air un peu la même affaire. C'est le prochain jeu que je vais faire. Puis, tu sais, man, j'ai un backlog incroyable. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Tant mieux. J'ai plein de jeux à jouer. Puis, ça me rend heureux. Ça me rend heureux de toujours avoir un petit jeu Switch là, qui roule là, dans ma machine. J'ai laissé tomber Hades, ça me tente plus. Ça me tente plus de faire des aventures présentement, donc j'y reviendrai peut-être. Là. Il y a mon neveu, je suis son parrain. Alors, c'est-tu un neveu ou c'est plus que ça quand t'es un parrain? Je ne me rappelle plus. Il game beaucoup. Je sais pas s'il écoute tes podcasts. Si c'est le cas, salut Alex. Bravo pour tes... Il est autodidacte, il s'amuse présentement à essayer de développer un jeu chez eux. Il s'en va à l'université. Fait que c'est drôle, ben, ça grandit ces enfants-là. Donc, qui game beaucoup, et puis on a un peu les mêmes goûts. Il joue à tout. Lui, il n'est pas gêné de ça, les Demon's Souls et Bloodborne, il clenche ça, tu sais, fait que c'est un grand maître. Et puis, mais il fait aussi tous ces petits jeux indie-là, tu sais, Blasphemous et tout, fait qu'on se parle un peu. Donc, il m'a dit de pas lâcher Hades, puis de tu sais, comme telle place, améliore tes skills. Là, je suis comme, c'est vrai, je vais trop vite, tu sais, puis là. Fait que j'y reviendrai peut-être. Mais là, c'est sur pause un peu. Fait que... Sinon, vous avez vu que chez Retro MTL, on a acquis une belle collection de jeux Switch. Donc, beaucoup de Switch qui ont fait leur entrée. C'est pas une collection comme la mienne, mettons, où est-ce que c'est plein de Limited Run. Puis en passant, là, Limited Run, moi, je collectionne pas Limited Run. Moi, j'achète les bons jeux. Puis la plupart sont des Limited Run parce que c'est eux qui publient les jeux indie qui m'intéressent. Alors, c'est ça. Mais j'essaye pas d'avoir des Limited Run pour des Limited Run. Jamais. Moi, si le jeu est nice, je l'achète. C'est tout. Fait que moi, j'ai plein de jeux comme ça. Là, t'sais, j'ai aucun jeu à... Je sais pas comment le dire, là, mais tous les jeux qu'il y avait dans cette collection-là, j'ai dit, c'est quoi ces jeux-là? qui a fait ça? Où est-ce qu'on fait ça? Fait que la Switch, ça me, je me rends compte, je suis même plus à... J'ai une application Switch de Pure Gaming, et puis c'est plate parce qu'elle n'est pas à jour, pas en tout. C'est des jeux qui sortent, même des jeux qui sont sortis depuis un bout, il y a plein de jeux qui manquent là-dedans. Donc la version Switch, là, la console Switch de l'application Pure Gaming, c'est vraiment mauvais. Je suis très déçu de ça. Et puis, par contre, ça me fait réaliser à quel point elle est fucking grosse déjà, la librairie physique Switch. Fait que si un jour des gens full set ça, là, ça va être un petit dossier. puis il y a des jeux qui sont aussi en Limited Run, en Special Reserve, tu sais, t'as des variants, là, déjà, là, beaucoup, là, tu sais. Puis là, Tanuki Justice, il y a un cover, puis là moi j'ai un variant cover aussi que j'ai mis parce que je le trouve plus beau. Donc les Limited Run aussi ont des variants cover là. C'est comme oh my god, le jour où est-ce que quelqu'un va faire un full set de Switch, ça va être débile là, tu sais. Il y en a peut-être qui le font présentement, ce que je trouve qui est une très mauvaise idée parce que les jeux coûtent tous le prix du jeu neuf en sortant, ben, alors que la plupart de ces jeux-là ils vont valoir 10$ bientôt. Fait que mauvaise idée. De toute façon, avant de commencer à faire un full set Switch, je pense qu'il faut attendre un bon 10 ans. On verra plus tard. Même que moi, personnellement, comme si j'étais vraiment plus riche là, présentement, puis j'avais moins d'actifs, mais plus de salaire. Peut-être que je me laisserais aller à faire le full set Super NES. Il y en a du Super NES ici, même, ça me travaille. Mais là, je n'ai pas assez d'argent pour me lancer là-dedans. Là. J'ai fait un full set Game Boy, là, puis ça m'a coûté cher déjà. Fait que Stadium Events, là, tu sais. Fait que je vais prendre une pause, là, tu sais. Mais ça reste dans ma tête pareil. J'aimerais savoir ça. Puis, c'est ça. Donc, on a reçu une collection Switch, et puis on a reçu 400 jeux NES. Donc, vous regarderez ça. Là, ça va bien pour mettre les jeux NES en ligne chez RetroMTL, parce que ça fait comme deux quasi full sets qu'on a acheté, puis on a beaucoup acheté de jeux NES. Le NES, ça vend bien, on est bien content. Puis c'est bien, parce que c'est un peu la folie, NES est un peu passé, plus les années passent, plus que les gens qui s'intéressent au NES, qui veulent faire des full sets NES, plus qu'ils ont fini d'acquérir ce qu'ils voulaient. Et puis, tu sais, fait qu'il n'y a plus tant de monde qui explore tant que ça, la NES, mais non, ça marche encore, ça roule encore beaucoup, donc je suis content. Et puis, de ces 400 jeux-là, il n'y a pas de Little Samson, il n'y a pas de jeu au-dessus de 100$ là-dedans, là, c'est sûr, là, tu sais, même au-dessus de 80 ou whatever. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de roulement. Puis ça, on aime ça, on en veut plein de Turtles, Castlevania, des Zelda, des affaires. Puis plein d'autres petits jeux là, à 10$, 15$, qui valent la peine. Couple Rygar, Xexiz, puis des jeux de full set, là, Jackal, des jeux de full set aussi, qui sont plus Mickey's Adventure Number Land, Orb 3D, Video Nation. Et puis, quoi d'autre, Conflict, tu sais, des affaires un petit peu plus, moins communes, dans le fond, Spider-Man Sinister 6, ce genre d'affaires-là. Donc, tout ça pour dire que là, il y en a une couple qui sont maganées, mais on va, pas maganées, mais sales, puis tout ça. Fait qu'on nettoie ça rapidement, et puis c'est quand même assez facile pour les gars de NES de mettre ça en inventaire, parce que notre database NES est déjà pas mal gros dans notre système. Fait qu'il y en a beaucoup qui c'est des +1, +1, +1, donc ça risque d'aller vite. Là, envoyez-moi pas vos listes, parce que on n'a pas de liste précise de ça, puis de toute façon, ça me tente pas de gérer ça. S'il vous plaît, on a bâti un système pour arrêter de se faire bombarder de questions puis de patentes. Fait que surveillez notre page Facebook, puis surveillez notre site web. Voilà. Ça me fait plaisir là, de rendre service de temps en temps. Il y a du monde que je connais. On peut-tu faire ci, faire ça? On le fait dans la mesure du possible, mais ça demande quand même comme du travail de rendre des services. Puis là, il faut qu'on enlève l'inventaire. Puis là, il faut qu'on le signe. On fait des démarches. Hein? Fait que ça demande du jus un peu. Puis on manque de jus pour mettre sur d'autres choses. Alors voilà. On essaye d'avoir un système complet qui fait que vous n'avez aucune question à nous poser. Puis vous achetez si vous le voulez. Il y a des photos. C'est là. C'est simple. Achetez-le ou non. On vous l'annonce. Voici, c'est en inventaire. Et c'est réglé. C'est ça qu'on veut. Moins de questions possibles. Mais c'est normal, vous en ayez. Donc, ben c'est pas tout ça. Ça va être l'heure d'aller les frotter, ces jeux Super NES là. Couple de messages à répondre avant tout. Donc 1h10 déjà de show. C'est un show bien spécial. Hein, ça m'a permis de ventiler. Et puis, je suis fatigué de parler, par exemple. Parler pendant 1h10 de même, au débit que je le fais, sans avoir de trucs à présenter comme une présentation, pour me donner un break de parlotte. C'est beaucoup de parlotte. Donc, ouais, beaucoup de parlotte. Mais c'est correct. Mais là, je suis fatigué de la gorge. Merci à tous, les gens, d'avoir écouté ça. Et puis, c'est très apprécié. J'aime votre présence. Merci. Sérieux, ça, faire ce podcast-là, je vous mentirai pas. Des fois, je le prends un peu comme de la job, tu sais. Puis en même temps, là, il y a des Patreons, tu sais. Puis en passant, c'est pas, je fais pas des... C'est un joli soutien, mettons, les Patreons, mais je suis pas... j'en vis pas, là, tu sais. Mais par contre, le fait qu'il y en ait, non, faut que tu donnes de quoi, tu sais. Faut que tu donnes aux gens. Fait que des fois, faut que je me force un peu plus. Mais c'est bien aussi, parce que s'il n'y avait pas ça, peut-être que j'en ferais de moins en moins, puis à un moment donné, j'en ferais plus. Puis je me dirais, j'ai pas le temps. On a toujours le temps. Par contre, je veux pas essayer de me l'imposer comme une... Si une semaine, j'y arrive pas, tu sais. Puis malheureusement, il va falloir vivre avec ça. Tu sais, j'aimerais tellement faire plein d'affaires. J'aimerais tellement, comme, twitcher. Moi, j'aimerais ça être sur Twitch aussi, à être full on, tu sais, puis travailler là-dessus. Puis comment est-ce que je pourrais, comme, avoir amélioré mon auditoire? Comment je pourrais donner un peu d'historique par rapport à ça? Comment je peux vous présenter ma collection? Comme travailler le personnage, en gros guillemets, de Papa Cassette, tu sais, améliorer sa présence, tu sais, puis montrer au monde que j'existe, autre que vous qui me connaissez, qui est un auditoire quand même grandissant, mais semi-restreint dans un sens, là, tu sais. Fait que j'aimerais beaucoup ça, mais faut que je peux pas, tu sais, je peux pas, là. Faudrait que je fasse ça tous les soirs, tu sais, puis il y a une limite, là. Puis là, dans ce que je vis présentement, puis si l'arcade réouvre aussi, là, ça va demander encore du travail, tu sais, comme je peux pas te donner plus, tu sais, si... Toute ma vie, je me sépare en 8 pour faire tous mes projets et tout. Fait que si je continue, je peux pas séparer un autre fragment là, de moi pour essayer de comprendre puis stepper up cette game-là. Je serais pas steady, tu sais. Puis vous l'avez vu, là, j'ai essayé de le faire pendant la COVID parce que j'étais tranquille, parce que tout était fermé anyway, puis c'était la mort totale. Puis quand ça a repris, tu sais, j'ai pas réussi à suivre. Fait que j'aimerais ça. Peut-être un moment donné, si tout roule tout seul, puis j'ai plus besoin d'être ici, moi, parce que tout est pris en charge par un gérant qui chapeaute tout, puis nous autres, les propriétaires, on peut comme, se détacher de ça, puis penser à autre chose. J'aimerais beaucoup ça, que toutes mes entreprises soient 100% autonomes et fonctionnelles et rentables, mais elles sont trop jeunes pour ça encore, et c'est tout à fait normal, faut que je m'en occupe, c'est important. Alors, voilà. Mais, ça pour dire... tout ce que je peux offrir, je l'offre et puis merci de le consommer. Merci beaucoup. Donc, voilà, ça conclut. Alors, allez travailler. Je vais aller travailler moi aussi. Puis, on se reparle bientôt. Bye!